gagne. Les gamins rebelles brûlent des poubelles. Ce soir c'est la fête. Petite agitée. Tous des perruriers. Petit perrurier. Tous des agités. Bien voir comme il fait chaud. Les caisses sont des tonneaux. C'est le grand rodéo. Ce jeu de tête cagoule. T'as perdu la boule. Et le monde s'écroule. Les bachots, quartier des agités, commando perrurier. Tu avances masqué dans le noir sous papier, commando perrurier.